Original Résistance. Rejoins-nous sous la bannière. Menace radioactive, 400 yens de tension, la brigade. Tu veux nous déterrer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Tu veux nous déterrer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Mec, tu voulais qu'à l'époque de menace record, qu'il oublie l'équipe en direction de la major. Tu pensais que j'allais calmer mes mots, adoucir mes rimes. Je suis encore plus près du crime. Tu crois que je serais la putain pour une couverture? Allez, tu sais ma queue sous la couverture. Pas de single, je m'en bats ma gueule. Mes gars et mes go, Montana vénère, c'est ce qu'ils veulent. J'ai pas de contrat de contrainte. Je rappe à la Ronaldinho, sur le beat je mets des fins. Dans le rap, on nous appelle le Barça. Tu qu'es pas content, donne-moi un stylo, je barre ça. Patate balayette au multinational. Tout seul, on m'écoute des autoroutes nationales. J'aime mes affaires avec la rue comme mère. Le ghetto, l'octogone est l'un des coms. Tu veux nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Tu veux nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. On fait pleurer l'industrie pendant que les majeurs m'acclament. Faut que l'instru crée encore pire que le chant du magnum. Faut que le public m'acclame. Produit par mes couilles et ma cam. 93 putain de ghetto macabre. Maison de 10 et non gravé sur une tombe en marbre. On prend des risques, fini en prison, crouillé macaque. Le rap je le tord, nerveux brut comme un raptor. 60 cm cubes, y'en a qui baisent et qui se masturbent. À ce qui paraît, pour être à l'aise, faut faire un tube. Faire la pute dans les pages de pub. À part les bâtards qui nous entubent. Hip hop indépendant, époque crache dedans. Rap hardcore pendant que les majeurs sont mettent des crachés dedans. Nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Faut nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Indépendant comme mon blé, j'ai pas le temps de blaguer main. Sors des disques avec le bloody cash flow. Et rien à foutre ton rap de lady hardcore. Sur mon putain de canto, la rue applaudit mon ghetto plat. Yeah, les récales de bad boy. J'ai l'on fuck les maisons de 10. Dites pute, faut MC, ton heure est proche. Juste pour survivre, c'est à plomb pour régler compte avec l'industrie ou dans la street. Voilà, jusqu'à la mort, l'état en canard. La maille dans la marge, demande à Alibi Montana. Si y'a la guerre, moi j'suis de la résistance. 9-4 dans la zone de combat, la hyène au mic. Tu veux nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Tu veux nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Encore une histoire sans morale. Un alibi de plus pour nos débordements. Sponsorisé par les licites, je cite. Quand un frère crève, frère, on tire pas si on le félicite. Voir plébiscite et j'insiste. Car si c'est l'indiscipline dans nos sites, c'est résultat trop de vie, pas à attendre. Ce truc, c'est plus que du rap, c'est plus que du rap. On perpétue la prophétie de nos halls jusque dans l'industrie du disque. Ici, faut avancer en minimisant l'automatique. Donc baisse la tête, écarte les blessés, même si à chaque guerre c'est pas le perdu. Tu veux nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Tu veux nous déférer, nous enterrer, nous mettre plus bas que terre. Pour nous avoir, il faut un hélicoptère. On a choisi l'un des, on reste décidé. Industrie du dé, tu peux pas commander. Industrie du dé, tu peux pas nous commander. Acide, Samad, la hyène, Alibi, Cannibal Smith.